Et je suis en train de chanter l'histoire d'un homme. Il était parti chercher du boulot. Alors, il avait des diplômes. Dis-moi, je dois présenter mes diplômes. Mais alors, celui qui est engagé a dit, ici on n'a pas besoin de diplôme. Seulement un crayon et une gomme. Pourquoi? Il dit, mais ça, c'est la société. On peut te demander de défalquer 100 euros. Si tu ajoutes seulement un zéro derrière le 100, ça fait 1000. Il faut avoir les crayons parce que si on te montre c'est une erreur, tu effaces. Mais il y a des gens dans leur vie, ils disent qu'ils ne commettent pas d'erreur. Non, frère. La Bible déclare, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'en cela, il faut quoi dire qu'il faut que nous allions commettre des erreurs? Non. Paul dit, sa grâce me suffit. Je marcherai tous les jours en ayant la crainte de Dieu. Mais les erreurs peuvent survenir dans ma vie. Mais j'ai toujours mon crayon et ma gomme. Que le Seigneur vous bénisse. Ton salé la cancre des chinettes. Zito sale la ka crayon na gomme o Peto bo maka e Crayon na gomme to ko koma e Ha ha ha!